Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 224e émission de Rock de Neurones, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et toujours en compagnie de Jimmy Farley à l'animation, à la mise en ondes et à la recherche musicale. Et aujourd'hui à l'émission, nous aurons encore une fois une programmation assez diversifiée avec des groupes qui nous viennent d'un peu partout. On aura The Samurai of Prague, qu'on peut qualifier de groupe multinational. On aura Cyrus B des États-Unis, Is des États-Unis aussi, Papyr du Danemark, Egg d'Angleterre, Perspective Vortex du Brésil, Zaal et Finisterre d'Italie. On a The Theorit d'Angleterre, et on finira avec Sound of Contact, qui est en fait une collaboration américano-britannique. Alors, le premier bloc de l'émission, comme à l'habitude, est consacré à l'album de la semaine, et aujourd'hui, on a The Samurai of Prague et l'album Toki no Kaze. Samurai of Prague, c'est un groupe multinational qui est composé d'un noyau de trois musiciens. On a Steve Honru qui est à la flûte, au violon, à la guitare et qui fait aussi office de chanteur. On a Kimmo Porsti qui est à la percussion et à la batterie, ainsi que Marco Bernard à la basse. Et tous ces musiciens-là, en fait, le noyau, le trio est accompagné d'une trentaine de musiciens invités. J'en nomme un en particulier parce que c'est un musicien que j'aime beaucoup. C'est Luca Scherani qui est le claviériste de la formation italienne Ossonaton, entre autres. Alors, The Samurai of Prague nous propose leur septième album depuis 2011, donc un album presque à chaque année. Et c'est un groupe qui est quand même très consistant, très prolifique, très créatif. C'est un des groupes forts du rock progressif dans ce début du millénaire. Et le groupe nous propose un album de 74 minutes. Avec 12 chansons, et on en a 4 dans le bloc. On aura A Tear in the Sunset, on a Zero, on a The Bicycle Ride et Think Green. Alors, on se laisse pour 26 minutes de bonne musique avec The Samurai of Prague. Thank you. Thank you. C'était The Samurai of Prague et quatre extraits de l'album Toki no Kaze. Alors, après la pause, Cyrus B et Iz des États-Unis et Papyr du Danemark. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute ce deuxième bloc avec un musicien multi-instrumentiste américain du nom de Cyrus B qui se fait accompagner par trois musiciens sur son nouvel album qui s'intitule « The Art of Vanishing ». Et je vous propose la pièce « Blossom of Hills ». Et ça sera suivi de la formation américaine Iz qu'on a vu au printemps dernier au festival Terra Incognita. Ils nous avaient proposé « Don't Panic », leur plus récent album. Mais moi, j'aimerais retourner un petit peu en arrière avec en 2009 avec la pièce de Darken Room, c'est-à-dire l'album de Darken Room, et je vous propose 20 Minutes of Tragedy. Et on va conclure avec un groupe du Danemark qui existe aussi depuis 2010. Et ils ont fait paraître leur sixième album. En fait, il s'intitule 6, mais c'est le septième. Alors, 6 de Papyr. On débute ça avec Cyrus B. Free. brush across the hand to sharing in this land to build the world. Sitting down. Are you sitting down? Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation danoise Papyr et la pièce 6.2, tirée de l'album 6. Ça, c'est paru cette année, c'est une nouveauté. Ça a été précédé du groupe américain Is et la pièce 23 Minutes of Tragedy, tirée de l'album The Darkened Room, qui est paru en 2009. Et en début de bloc, nous avions une nouveauté des États-Unis avec Cyrus B et la pièce A Blossom of Hills, tirée de The Art of Vanishing. Après la pause, Egg, Perspective Vortex du Brésil et Zal et Finistère d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, j'aimerais rappeler aux auditeurs que si vous êtes intéressés à en savoir un petit peu plus sur la musique que on vous propose ici, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous allez avoir tout le pedigree des pièces de musique, des artistes, des albums, de la provenance des artistes et tout ça. Et vous avez aussi un lien sur la page Facebook qui vous amènera à l'émission en reprise. En consultant les différents sites Internet, comme à l'habitude, moi je fréquente ces sites-là sur une base quotidienne, j'ai découvert un groupe brésilien qui s'appelle Perspective Vortex, et puis il me fait beaucoup penser au groupe qu'on écoutait, le groupe Egg dans les années 70, Egg qui était d'allégeance Canterbury, que les gens qui sont habitués à l'émission connaissent bien. Alors, pour vous faire un petit peu découvrir ce groupe-là, mais je vais débuter avec Egg, une courte pièce de l'album homonyme qui est paru en 1970. C'est juste pour mettre dans l'ambiance. Et tout de suite, on suivra avec Perspective Vortex. Et pour conclure le bloc, j'ai un extrait de l'album Zig Reprise qui est du groupe Zal. Le groupe Zal, c'est un groupe qui gravite autour du musicien, le claviériste, en fait, de la Mascara Dixiera. Et le groupe s'appelle Zal. Et le musicien, mais c'est Agostino Macor. Et puis, pour rester dans le mood des Italiens, on va conclure avec un extrait de l'album Finistère 25, qui est aussi... dont fait partie aussi Agostino Macor comme claviériste. Et Finistère 25, bien, c'est la reprise en live du premier album homonyme qui a été produit là, on parle du 25e anniversaire, donc c'est en 1994. Alors, on débute ça avec Egg. Thank you. fragili luci, nascondi il cuore, gli angeli cadono, non più parole, corri soltanto. Thank you. antico raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita. C'était le groupe italien Finistère et la pièce Canto Antico tirée de l'album Finistère 25. C'est en fait l'album commémoratif de leur premier album qui était paru en 1994, l'album homonyme Finistère. Ça a été précédé de Zaal, qui est un groupe qui gravite autour du claviériste de la Maschera di Chera. C'est Agostino Macor, qu'on a aussi entendu sur Finistère, parce qu'il est aussi le claviériste de Finistère. Et avant ça, on avait le groupe brésilien Perspective Vortex et la pièce Out of Time, tirée de l'album Out of Order. Ça, c'est un album... C'est une nouveauté de 2019. Et en début de bloc, ben, nous avions Egg et la pièce Fugue in D minor tirée de Egg, l'album homonyme paru en 1970. Alors après la pause, The Tyrant et Sound of Contact. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Eh bien, nous voici déjà rendus au dernier bloc de l'émission et on aura un groupe britannique du nom de The Tyrant. Ça, c'est un power trio, musique un petit peu orientée style Rush ou Cream. The Tyrant, c'est auparavant était, ça s'appelait The Band of Gypsies, pas celui-là de Jimi Hendrix, là, mais The Band of Gypsies qui était... il y a une trentaine d'années, là, un groupe qui faisait des tournées, notamment en première partie de Focus. Alors, The Tyrant, ben, ce sont des vieux musiciens qui ont parti ce groupe-là en 2015 avec Tales from the Tower. Et on a un album qui est paru il n'y a pas très longtemps, en 2019, A Leap into the Dark. Et on va entendre The Sphinx. Comme je mentionnais, ben, c'est un trio. Alors, la voix, disons que la voix laisse à désirer, mais le guitariste s'en tire très bien. C'est la raison pour laquelle on la passe à l'émission. Et bien, ça va être suivi et on va terminer avec Sound of Contact, le fameux groupe là, qui nous a produit un seul album, Sound of Contact, qui était composé qui avait comme musicien bien, le fils de Phil Collins, Simon Collins, et on a Dave Kirshner. Dave Kirshner qui continue en solo là, avec de très bons albums et un nouveau groupe aussi du nom de In Continuum qui est sur le bord de produire un nouvel album dans quelques semaines. Alors, on va aller avec un extrait de Mobius Sleep. Ça va conclure l'émission. Alors, on débute avec The Theorist. We'll be right back. thing. No new vision of the universe. No other mind and soul collide. When I reach the perihelion, the long way around where the past is found. Driving surges to sustain no life at all. There's a disturbance in the plenum. Driving surges to sustain no life at all. I spin in all directions with no key to the legends. I spin in all directions with no way to past dimensions. In your haze of your pollution, superstition. We'll be right back. All worlds, Alors, c'est sur cette note du groupe Sound of Contact que l'émission Rock de Neurones se termine pour cette 224e épisode. Et avant de vous quitter, bien, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et je vous invite aussi, si vous voulez la réécouter sur Internet, elle est disponible à partir de SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Et de plus, sur cette page, vous aurez un lien qui vous amènera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions archivées. Et en plus, vous avez aussi accès à des palmarès, notamment les 10 albums de 2019 que je préfère, avec le top 15 aussi de 2018 et 2017. Vous avez aussi des palmarès de rock progressif italien et québécois. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une belle semaine et qui vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.